Bonjour amis taureaux, on va regarder ce qui se passe pour vous au mois de mars 2023. Alors ce ne sera pas un long tirage, donc on va pas rentrer dans les détails. On va juste demander le petit oracle de Béline, le petit conseil que le Béline vous donne pour ce mois de mars 2023. Bon, apparemment il y a des difficultés côté cœur, mais ça c'est la coupe, donc on va voir. Pour le taureau, mars 2023, quel est le conseil? J'essaie de tirer rapidement les cartes. Alors, pour vous, amis taureaux, alors, apparemment, en mars, c'est vrai que vous avez besoin, vous allez au début mars, vous pourriez vous sentir, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin peut-être vraiment de moments à vous. Ça peut être, pourquoi pas, vous pourriez faire un voyage, un petit voyage ou un court séjour pour vous ressourcer, mais en solitaire. Et puis ça peut être également des heures de méditation, des moments que vous vous offrez toujours en solitaire, parce que vous avez vraiment besoin apparemment de vous retrouver début mars. Et en effet, vous voyez ici ces deux cartes, elles indiquent que vous avez besoin de faire appel à votre spiritualité pour pouvoir rebondir, pour pouvoir vous ressourcer. Parce qu'apparemment, vous êtes assez usé, assez fatigué. Peut-être qu'il y a eu trop de stress dans votre existence dernièrement. Et il ne faut pas que vous en arriviez à croire que vous êtes dans un cycle d'infortune, que la malchance s'abat sur vous continuellement. Il faut éviter, en tout cas, de tomber dans le pessimisme. C'est juste un moment de ras-le-bol, de fatigue. Et le message, il est ici très clair. Vous devez vraiment accepter de prendre du recul en solitaire, ou que ce soit plusieurs jours, que ce soit quelques heures régulièrement, mais vous devez vraiment faire comprendre à votre entourage que vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de vous retrouver. Et donc cette carte-ci, elle indique que par la suite, vous pourrez mieux revenir vers les autres, communiquer de nouveau autrement. Mais donc au départ, ben, pensez un peu à vous, faites votre petit cocon protecteur. Et donc faites appel à votre spiritualité, méditez et restez surtout dans la lumière et dans les idées positives. Voilà, à bientôt.